بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Aujourd'hui le mercredi 17 ذو القعدة de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 8 juillet 2020, on se retrouve pour poursuivre ensemble l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam à partir du livre de l'imam Ismaïl ibn Kathir al-Dimashqi, décédé en l'an 774 de l'Hégire. Son livre s'intitule Al-Fusul fi Sirati ar-Rasul. On arrive vers la fin et aujourd'hui on va étudier, dans le cadre des spécificités de notre prophète alayhi salatu wassalam par rapport aux membres de sa communauté, nous allons étudier les points qui sont en lien avec le chapitre du mariage. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, un point que j'ai cité dans le cours précédent, qui concerne la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et il m'a été demandé de le répéter, comme le point que j'ai cité comporte deux questions. Et peut-être, ce n'était pas très clair quand je l'ai expliqué, et ça peut prêter à confusion. Donc je parlais de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le domaine de la zakat, ceux pour qui il est interdit de prendre la sadaqa, de manière générale, que ce soit zakat ou la sadaqa surrogatoire. Sadaqa, l'aumône obligatoire qui est la zakat, ou surrogatoire. Et j'ai cité que la famille, par rapport à ce point, il y a trois avis des hommes de science qui sont la famille du prophète alayhi salam pour lesquels la zakat est interdite. Ils ne peuvent pas prendre de la zakat, car la zakat et la sadaqa, c'est une façon avec laquelle le croyant, il se purifie. Et purifie, c'est bien. Donc, en quelque sorte, comme c'est cité dans le hadith, c'est comme la saleté des gens de laquelle ils se débarrassent. Et la famille du prophète, alayhi sallam, Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés et leur a donné un statut tellement élevé qu'il leur a interdit de prendre de cet argent qui est rabaissant pour eux et pour leur degré, pour leur statut. Et en contrepartie, ils ont le droit à prendre une partie dans la trésorerie des musulmans. Quand l'État islamique met en place une trésorerie, la famille du prophète, alayhi sallam, ils ont le droit à une part dans cette trésorerie. Mais quand cette trésorerie n'existe plus, comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des pays de l'islam, dans ce cas-là, s'ils sont dans le besoin, les savants disent qu'il est autorisé pour eux de prendre de la zakat. Mais ça reste meilleur de ne pas prendre de la zakat. Et quand ils étaient dans la pauvreté, ils étaient dans le besoin, ils prenaient de la trésorerie des musulmans et non pas de la zakat. Donc, par rapport à la famille du prophète, pour lesquelles c'est interdit, il y a trois avis. Le premier, et je vais les classer d'une autre manière que celle que j'ai citée hier, mais c'est la même chose. Pour commencer du plus large, l'avis le plus large, pour finir avec l'avis le plus restreint. Et hier, j'avais fait l'inverse. Donc, l'avis le plus large, il dit que la famille du prophète alayhi sallam pour lesquelles zakat est interdite, ce sont les Banu Hashim. l'Ibn Hashim. Hashim, c'est le père de Abd al-Muttalib, qui est père de Abdullah, qui est père de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ils disent que ce sont les descendants de Hashim, en montant jusqu'à son ancien grand-père, qui est Ghalib, en montant plusieurs générations, jusqu'à Ghalib. Ça, c'est l'avis le plus large. Donc, ça va englober tous les descendants de Ghalib. Le deuxième avis, il dit que la famille du prophète, ce sont les Banu Hashim. Ceux qui descendent de Hashim, la descendance de Hashim, et la descendance de Hashim, il n'y a pas de divergence. Dans tous les avis, ils sont dedans. Parce que le prophète, c'est un descendant direct de Hashim. Donc, c'est pour ça qu'on va les trouver dans les trois avis. Donc, ce deuxième avis dit que ce sont les descendants de Hashim et les descendants également de Al-Muttalib, qui est un frère de Hashim. Le père de Hashim, comme vous savez, c'est Abdu-Manaf. Abdu-Manaf, il a eu 4 fils qui sont Hashim, Al-Muttalib, Nawfal et Abdu-Shams. Donc, selon cet avis, ce sont les descendants de 2 fils de Abdi-Manaf. Hashim et Al-Muttalib, leur descendant leur est interdit de prendre de l'aumône de manière absolue. Et ceux qui ont donné cet avis, ils se sont basés sur un hadith dans lequel Nabi alayhi sallam a dit que les Banu Al-Muttalib et les Banu Hashim sont la même chose, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Le troisième avis, le plus restreint, la famille du prophète, pour laquelle l'aumône est interdite, ce sont uniquement les Banu Hashim, c'est-à-dire desquels descend le prophète directement. Et donc ça, c'est pour ceux pour lesquels c'est interdit de prendre de la zakat. C'est la famille du prophète qui sont les descendants de Banu Hashim. Et la plupart des savants contemporains, ils disent qu'ils prennent le deuxième avis, les Banu Hashim et les Banu Abd al-Muttalib, et les Banu al-Muttalib, à cause du dalil dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et également rentrent dedans les épouses du prophète, alayhi sallam, comme je l'ai entendu souvent de Cheikh Abou Mohsin Abbad, hafidhahoullah, les épouses du prophète, alayhi sallam. Et également tous les gens qui ont une liaison avec le prophète, alayhi salatu wassalam, affranchissement, yani ce genre de liaison, ceux qu'il a affranchis et avec lesquels il a gardé une forme d'alliance, comme on a vu dans l'Wala. Donc on les appelle Mawali. Eux également, ils ont le même jugement. Car un des mawali du prophète, dans un hadith authentique, lui a demandé de lui permettre de prendre de la zakat. Le Nabi lui a dit que ce n'est pas autorisé pour nous. Et que toi, tu fais partie de notre famille, avec cette alliance que tu as avec nous. C'était un affranchi du prophète. Donc ça, c'est l'avis que donnent la plupart des savants contemporains et que j'ai entendu plusieurs fois de Cheikh Abou Mohsin Abbad, qu'Allah le préserve. Et c'est également l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, cet avis. Sinon, par rapport à la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a plusieurs avis. Je vais vous en citer 5. Il y en a qui ont dit que la famille du prophète, ce sont ceux pour lesquels l'aumône est interdite. Ce sont uniquement ceux-là. Il y en a qui ont dit, ce sont tout Quraysh. Tout Quraysh est la famille du prophète. Donc là, c'est peut-être là où il y a eu la confusion, parce que j'ai parlé des 2 points. Qui sont la famille du prophète et qui sont la famille du prophète sallam, pour lesquels la zakat et la sadaqa est interdite. Donc la famille du prophète sallam, de manière générale, il y en a qui disent ce sont ceux pour lesquels l'aumône est interdite. Et ils ne font pas rentrer ses épouses. D'autres, ils disent, ce sont tous les Quraysh. Il y a un troisième avis, comme quoi, ce sont toute sa communauté. Et ça, c'est l'avis le plus large. Ils ont dit que toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de sa famille. Le quatrième en dit que ce sont les pieux de sa communauté. Pas toute la communauté, mais les pieux de sa communauté. Et le dernier avis, très connu aussi, ils ont dit que ce sont uniquement sa descendance et ses épouses. Sa descendance et ses épouses. Mais la question qui nous intéresse par rapport au jugement, c'est le premier point que j'ai cité. Sa famille pour lesquelles la zakat et la sadaqa est interdite. Et l'avis le plus juste, que ce sont les Banu Hashim, les Banu al-Muttalib, ses épouses, sa descendance et ses alliés. Ses alliés. Alayhi salatu wassalam. Voilà par rapport à cette mas'ala. Ensuite, nous allons commencer par le chapitre du mariage. Le chapitre du mariage. Et comme je vous avais dit au début de ces particularités de Nabi alayhi salatu wassalam, que ce chapitre est le chapitre le plus important de tout ce qui a précédé. C'est pour ça qu'il y a certains savants qui ont fait des ouvrages et qui ont parlé dans leurs livres des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont abordé que les spécificités par rapport à ce chapitre, pour son importance. Et l'imam Ibn Kathir va mentionner les caractères exclusifs du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce chapitre d'une manière excellente qui facilite de retenir ces points. Et il va les répartir en 4 catégories. Il va les répartir en 4 catégories. Et il va les citer d'une manière résumée et facile pour la mémorisation et pour retenir les points. Contrairement aux savants qui les ont mélangés. Et lui, il les a classés d'une certaine manière que je vais vous citer tout de suite. La première catégorie, c'est une catégorie dans laquelle il a mentionné les choses dans ce domaine qui sont obligatoires pour le prophète alayhi salam seul. Des choses qui sont obligatoires pour lui dans le domaine du mariage et qui ne sont pas obligatoires pour le reste de sa communauté. Et ça fait partie de ses particularités. Le premier, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de donner le choix à ses épouses, de leur donner le choix entre rester marié avec lui ou choisir le divorce. Vous savez, par rapport à quand ses épouses, radiyallahu anhum, ont demandé l'augmentation des dépenses. Elles ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de leur donner plus de moyens. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a ordonné de leur donner le choix. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le verset, يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie en ce bas monde que vous désirez, avec son apparat, venez donc, que je vous offre en jouissance quelques biens compensatoires, et que je vous libère d'une bien belle manière, c'est-à-dire le divorce. Et si c'est Allah, son messager et la demeure ultime, la demeure dernière, l'au-delà, que vous recherchez, alors sachez qu'Allah a préparé aux bienfaitrices, a préparé aux bienfaitrices d'entre vous une immense récompense. Si vous choisissez dunya et voulez être libéré, je vous donne la possibilité de faire ce choix. Et si vous préférez patienter sur le peu de moyens que Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous offre et peut vous donner, alors votre récompense auprès d'Allah sera immense. Et ça a été rapporté dans les deux authentiques. Selon Aïcha radiallahu anha, cette affaire du choix qui a été donné aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de leur donner ce choix. Et il y a une anecdote par rapport à cela, quand Nabi alayhi salatu wassalam a informé ses épouses, la première qu'il a informée, c'est Aïcha radiallahu anha. Et il lui a dit tout de suite, ne réponds pas. Ne donne pas de réponse tout de suite. Qu'est-ce que tu choisis? Car elle était jeune, radiallahu anha. Il lui a dit, consulte ton père, Abu Bakr, et ta mère, avant de me donner une réponse. Aïcha radiallahu anha. Et ça fait partie de ses mérites. Elle a dit, je consulte mes parents à ton sujet. J'ai choisi Allah et son... Elle a dit, j'ai choisi Allah, son messager, et l'au-delà. Radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, et qu'Allah maudisse ceux qui l'insultent et qui disent du mal d'elle, parmi Rafida et autres. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit au prophète alayhi salam, n'informe pas les autres épouses de mon choix. Jusqu'à ce qu'elles te disent leur choix en premier. Et ça, yani, peut-être que, yana, si elles savent que Aïcha a choisi le prophète alayhi salam, ça va les aider, les orienter. Et elles vont choisir la même chose. Même si on s'imagine qu'il y a une qui pourrait choisir autre chose. Donc, il y avait ce petit espoir chez Aïcha radiallahu anha. Et Nabi alayhi salam, il vivait ça normalement, c'est humain. C'est les femmes, c'est comme ça. Radiallahu anhum. Ça, on parle des meilleures femmes qui sont les femmes du prophète alayhi salatu wassalam dans cette communauté. Et il n'y a pas une femme qui puisse leur arriver à la cheville. Car ces femmes, elles seront avec Nabi Aïssa Salam dans le degré le plus élevé du paradis. Et c'est les meilleures femmes de cette communauté. Radiallahu anhum. Et il pouvait y arriver des choses comme ça. Que Nabi Aïssa Salam acceptait alayhi salatu wassalam. Mais bien évidemment, il n'y a aucune des épouses du prophète alayhi salam qui a choisi autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, son messager et l'au-delà. Tous, elles ont choisi ce qu'il y a auprès d'Allah azza wa jalla. Et elles ont choisi de patienter. Yani, patienter, des fois, on réalise pas les bienfaits dans lesquels on vit. Je parle que des bienfaits de dunya. mais les vrais bienfaits, c'est les bienfaits religieux. Et ça, malheureusement, nous, on ne s'en soucie pas beaucoup. Et on ne se plaint pas du manquement dans ces bienfaits. On peut être très négligent dans beaucoup de choses dans notre religion, et on ne se plaint pas. Mais dès qu'il y a un peu de manque dans Dunia, on se plaint. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Donc, la difficulté dans laquelle vivaient les épouses du prophète, vous pouvez la lire comme dans ce hadith de Aïcha radiallahu anha, dans laquelle elle a informé qu'il pouvait passer un mois et deux mois sans qu'un feu ne soit allumé dans les demeures du prophète. C'est-à-dire, pendant un mois et deux mois, il ne prépare pas un plat à manger. Et il se contentait de manger des dattes avec de l'eau. Et des dattes, c'est pas, ils vont manger 2 kilos non plus. Si vous vous rappelez, on a vu dans des batailles, les compagnons, ils mangent une datte. Ils boivent de l'eau. Pour calmer la faim. Mais plus Allah il te donne dans dunya, moins tu auras dans l'akhira. Ça, c'est dans le cas où Allah il te donne avec le halal et tout. C'est pour ça, même les compagnons qui avaient beaucoup de moyens, qui avaient beaucoup de richesses, tels que Uthman radiallahu anhu, si vous lisez dans sa biographie, vous allez trouver qu'il profitait pas de cette richesse pour sa personne. Et que sa richesse, il l'a donnée d'une manière avec une générosité. Comme on peut lire dans les différentes situations, il a donné, radiallahu anhu, il a équipé une armée, Jaysh al-Usra, à lui seul, radiallahu anhu. Il a acheté un puits, il l'a payé seul pour que les musulmans puissent prendre de l'eau dans ce puits qui appartenait avant à un juif. Et ainsi de suite. Il était très très généreux quand il s'agissait de donner fi sabilillah. Mais sur sa personne et dans son foyer, il vivait très modestement. Yani, ils avaient une vie très modeste, avec très peu. Omar radiallahu anhu devient le gouverneur de toute la Umma, de l'Est à l'Ouest. On lui présente un plat à manger dans lequel il y a un peu de viande, il pleure, au point où il a coupé l'envie à ceux qui étaient avec lui. De peur que ce soit ses bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avance dans le dunya. Ils avaient peur de ça. Et c'est pour ça, comme je dis souvent, ils citaient le mérite, les compagnons entre eux, ils citaient le mérite de ceux parmi eux qui sont décédés avant l'ouverture de dunya. Et qui n'avaient rien pris de cette dunya. Au point où l'un d'entre eux, quand il voulait l'enterrer, il ne trouvait même pas un tissu pour couvrir la totalité de son corps. Il couvrait ce qu'il pouvait avec le tissu, et le reste, il le couvrait avec des feuilles de palmier. Ça, c'est les compagnons de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée tous. Donc, par rapport à cette mas'ala, l'ordre qui a été donné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de donner le choix à ses épouses, entre rester avec lui ou être libéré, après les savants ont divergé, comme dit l'imam Ibn Kathir, est-ce que c'était une obligation pour lui de leur donner le choix ou c'était recommandé? Nawawi rahimahullah et d'autres savants ont dit que c'était obligatoire pour lui de leur donner le choix, car Allah lui a ordonné. Il lui a dit, dis à tes épouses. C'est un ordre. Après, les savants ont divergé. Est-ce que les épouses du prophète Aïssa devaient donner une réponse immédiatement ou elles pouvaient prendre leur temps pour répondre et faire le choix? Et les savants qui ont eu cette divergence, ils sont tous d'accord que Aïcha radiallahu anha, Nabi alayhi salam, lui a donné un délai, comme je vous ai cité. Et ce qui est juste, c'est que toutes les épouses avaient ce choix. Elles avaient le choix et elles pouvaient prendre le temps pour répondre. Elles n'étaient pas dans l'obligation de répondre instantanément. Une fois qu'elles ont choisi le prophète, est-ce que c'était interdit pour lui de les divorcer? Il y a des savants qui ont dit, une fois que ses épouses l'ont choisi, il était interdit pour le prophète de les divorcer. Mais la plupart des savants ont dit que non. Il pouvait divorcer une femme si jamais il le souhaite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour les rétribuer les épouses du prophète pour ce choix, et comme récompense dans dunya avant la grande récompense de l'akhira qui leur a été promise pour leur patience et pour leur choix, Allah azza wa jalla a interdit pour le prophète d'épouser une autre femme après ces épouses-là. Il lui a interdit d'épouser une autre femme après les épouses qui l'ont choisie. Et par la suite, il lui a autorisé d'épouser une autre femme si jamais il le souhaite. C'est pour ça, Aïcha radiallahu anha, comme c'est rapporté dans un hadith authentique dans Musnad l'Imam Ahmad, et dans Sunan Tirmidhi al-Nasa'i, rapporté par al-Hakim également, un hadith authentique, Aïcha radiallahu anha dit, le prophète alayhi sallam n'est pas décédé jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé les femmes. C'est-à-dire, il lui a autorisé de prendre une autre épouse si jamais il le souhaite. Et ça, avec cette autorisation, Nabi alayhi sallam n'a pas pris une autre épouse. Donc ça, c'est la première partie qui concerne ce qui était obligatoire pour Nabi alayhi sallam. Il y a des choses qui étaient interdites pour Nabi alayhi sallam seul, en dehors de toute sa communauté. C'est-à-dire, c'était interdit pour lui, et c'est pas interdit pour nous. Parmi ces choses-là, c'est qu'il lui a été interdit de garder une femme qui souhaite le divorce. Et pour nous, c'est pas interdit. Si ta femme te demande le divorce, sans raison valable, et bien évidemment, si elle te demande le divorce sans raison valable, c'est un grave péché pour elle. Ça fait partie des grands péchés. Et elle est menacée par le fait de ne pas sentir l'odeur du paradis. Comme c'est rapporté dans le hadith. Mais s'il y a une raison valable, il lui est autorisé de demander le divorce. Parmi les raisons valables, une femme qui a mis comme condition à son mari de ne pas prendre une seconde épouse. Et par la suite, le mari a voulu prendre une autre épouse. Cette femme a le droit de demander le divorce. Et c'est meilleur pour elle de patienter, de rester avec son mari. Mais si jamais elle demande le divorce, c'est autorisé par elle et elle n'a pas de menace de la part d'Allah Azza wa Jal parce qu'elle avait mis cette condition au début. Mais le mieux, c'est de faire comme Sahabiyat. Elles ne mettaient pas des conditions à leur mari comme ça. Mais si jamais elle le fait, en sachant que cette condition est autorisée, et c'est ça la vie juste, wallahu a'lam, parce qu'il y a des savants qui voient que cette condition n'est pas autorisée. Après le mari, il doit la respecter. S'il la respecte pas, il n'est pas dans le péché, parce qu'il va faire quelque chose que Allah lui a autorisé. Mais après, sa femme, elle a le droit de demander le divorce. Et si elle reste, ceci est meilleur pour lui, pour elle. Ceci est meilleur pour elle. On sait à quel point les shayatines se réjouissent de la séparation de deux croyants. Shaitan, comme vous savez, il ne se réjouit pas autant que le croyant tombe dans des péchés graves en dehors de shirk, bien évidemment. Mais il se réjouit d'un divorce au point où Shaitan, qui a été la cause, il le rapproche de lui et lui fait porter la couronne de Iblis. Et ça, c'est une très grande fierté pour ces shayatines. Quand Iblis les rapproche de lui et leur fait porter cette couronne, comme c'est rapporté dans le hadith. Car la femme qui divorce, yani le divorce pour elle, c'est une cassure. Et en plus, elle devient exposée au mal, alors qu'elle était protégée par son mari. Elle devient exposée au mal. Et quand il y a des enfants, c'est encore pire. Les parents s'entraidant, tous les deux, en ayant la main dans la main, pour bien élever leurs enfants et les éduquer conformément à la sunna, on voit, yani, la difficulté. Que dire quand il n'y a qu'une femme à élever les enfants, ou un homme, où ces enfants seront élevés par une autre femme qui n'est pas leur mère, qui ne va pas avoir forcément, même si on s'imagine que c'est une femme très très pieuse, elle ne pourra jamais arriver à être avec eux comme leur mère, dans sa rahma, la miséricorde qu'elle a vis-à-vis d'eux, qu'Allah Azza wa Jalla a placé en elle. Mais il y a des situations où le divorce est un bien et que le divorce est la seule solution. Mais avant d'arriver à ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le couple. Et on doit faire des efforts des deux côtés. Le mari ne doit pas s'attendre à ce que sa femme devienne exemplaire pour la garder. Comme la femme ne doit pas s'attendre à ce que son mari devienne exemplaire. Et ça, c'est une des plus grandes causes dans les couples. C'est qu'on attend, on s'attend chacun à ce que notre partenaire soit exemplaire et idéal. Il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et l'être humain, il ne sera jamais satisfait, bien évidemment, s'il est dans cette mentalité, dans cet état d'esprit. Contrairement à quelqu'un qui se contente de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, en la personne de son partenaire, et les défauts majeurs et les défauts qui empêchent de profiter de la vie avec lui, il essaie de le corriger, de les corriger petit à petit. Faut la patience. Faut pas s'attendre à ce que la personne se réforme en une nuit. Ça arrivera pour le Mahdi al-Muntazar. Amma nous, il nous faut du temps. On conseille une fois et deux jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000, et on patiente et on fait les causes. Et la cause, la principale des causes et la plus importante, c'est le dua qu'on oublie souvent. Dua qu'Allah réforme ton épouse. Ou de dua qu'Allah réforme ton époux. Et se lever dans le troisième tiers de la nuit et invoquer Allah, qu'il réforme ton époux, ton épouse. Et ça, malheureusement, on le trouve chez l'awam, surtout parmi les anciens, on trouve chez eux cet attachement à garder la famille soudée et à patienter. Et malheureusement, ça manque chez les salafiyyin, illa man rahimallah. Pour un petit problème, on peut divorcer. Et priver les enfants de vivre avec leurs deux parents sous le même toit. Et ça, c'est quelque chose que rien ne peut compenser pour eux. C'est pour ça qu'on trouve des enfants perturbés, psychologiquement faibles, psychologiquement, à cause de cela, entre autres. Donc, Nabi Issa Salam, il était interdit pour lui de garder une femme qui souhaite le divorce parmi ses épouses. Par contre, les autres membres de sa communauté, ils ont le choix. Même si elle souhaite le divorce, il peut la garder. S'il veut la divorcer, il la divorce. Mais d'autres savants ont dit que même Nabi Issa Salam, c'était pas interdit pour lui de la garder. Mais il se séparait d'elle par son bon comportement, en exaucant son souhait, et par sa noblesse, alayhi salatu wassalam, il lui accorde ce qu'elle veut. Une autre mas'ala, est-ce que le Nabi alayhi salam avait le droit d'épouser une femme parmi les gens du livre? Deux avis. Nawawi rahimahullah a dit que c'était interdit pour lui. C'est le choix d'Ibn Surayj parmi Shafi'iyya. Bien évidemment, l'imam Ibn Kathir, il cite que Shafi'iyya dans ses masa'il parce que c'est le fiqh. Et le fiqh, il cite les avis des savants de Shafi'iyya. Donc, Nawawi voit que c'était interdit pour lui d'épouser une femme parmi les gens du livre. Et ça a été choisi par d'autres savants parmi Shafi'iyya. Et ils se sont basés sur un hadith comme quoi le Nabi alayhi sallam a dit « Mes épouses dans le dunya, ce sont mes épouses dans l'au-delà. »« Mes épouses dans le dunya, ce sont mes épouses dans l'au-delà. » Donc si ce sont ses épouses, ça peut pas être une mécréante parmi les gens du livre. Il ne peut l'épouser que quand elle devient musulmane. Mais ce hadith, dans le livre, il marque qu'ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont cherché ce hadith, ils ne l'ont pas trouvé. Mais ils ont trouvé un autre hadith dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Ammar ibn Yasir, quand il a parlé, donc la parole de Ammar ibn Yasir, un compagnon, quand il a parlé de Aïcha radiallahu anha, il a dit, c'est son épouse dans le dunya et son épouse dans l'au-delà. L'épouse du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Et un autre hadith qui dit que la femme sera avec son dernier époux, authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Donc, si elle est avec son dernier époux, c'est-à-dire si une femme parmi les gens du livre épouse Nabi alayhi sallam, ce sera son dernier époux. Car personne ne peut l'épouser après lui, après sa mort. Mais si jamais il la divorce, deux avis des savants. Donc, selon l'avis que personne ne peut l'épouser après lui, alors elle sera sa femme dans l'au-delà également, au paradis. Et ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'était interdit pour lui d'épouser une femme parmi les gens du livre. Il n'y a pas de hadith par rapport à ça, mais il y a des paroles de compagnons qui laissent entendre ce sens. Parmi Shafi'iyya, on dit que c'était pas interdit pour lui d'épouser une femme parmi les gens du livre. Ensuite, dans le même point, est-ce que c'était autorisé pour lui de prendre une servante parmi les gens du livre? Est-ce qu'il pouvait également une autre mas'ala? Est-ce qu'il pouvait toujours en lien avec cette mas'ala? Est-ce qu'il pouvait épouser une servante muslima? Donc, est-ce qu'il pouvait épouser une servante parmi les gens du livre? On a vu que la plupart des savants ont dit que c'était pas autorisé pour lui, et d'autres ont dit que c'était autorisé. Est-ce qu'il pouvait prendre une servante parmi les gens du livre? Et est-ce qu'il pouvait épouser une servante musulmane? Trois avis des savants. Le plus juste, dit l'imam Ibn Kathir, c'est que c'était autorisé de prendre une servante parmi les gens du livre et ne pas l'épouser, mais que ça reste une servante. Et il peut avoir des rapports avec sa servante, alayhi salatu wassalam. Et que ce n'était pas autorisé pour lui d'épouser une servante muslima, même c'était interdit pour lui. Mais épouser une servante parmi les gens du livre, la plupart des savants ont dit que c'était interdit pour lui. Donc voilà par rapport à cette mas'ala, on peut la résumer en disant que c'était interdit pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'épouser une servante parmi les gens du livre et que c'était autorisé de prendre une servante. Je récapitule. C'était interdit pour lui d'épouser une femme libre. On ne parle pas d'esclaves et servantes. On parle de femme libre. C'était autorisé pour lui d'épouser une femme libre parmi les gens du livre, pour les raisons qu'on a vues précédemment. Et que c'était autorisé pour lui de prendre une servante parmi les gens du livre. Et que ce n'était pas autorisé de prendre une épouse, comme épouse une servante muslima. Ça concerne la deuxième partie, qui sont les points qui étaient interdits pour lui seul. Pour nous, on peut épouser une femme parmi les gens du livre, avec les conditions. Malgré que certains salafs ont détesté cela, ça reste autorisé avec le livre d'Allah. Mais il y a des conditions. On peut prendre une servante, si jamais on suppose qu'elle existe, malgré qu'elle n'existe pas. Une servante muslima. Comme on peut prendre une servante parmi les gens du livre. Donc les trois sont autorisés pour la Ummah. Et il n'y a pas de divergence à ma connaissance. Et les savants qui ont détesté épouser la femme parmi les gens du livre, c'est pour des raisons qu'ils ont citées, ils n'ont pas dit que c'était interdit de l'épouser. Là, ils ne peuvent pas s'opposer au livre d'Allah, à ce qui est explicite dans le livre d'Allah. Mais ils ont dit que c'est détestable, malgré que c'est autorisé. Et vous imaginez bien, un homme, il épouse une femme parmi les gens du livre, comment vont être les enfants? Toi, t'es salafi, t'épouses une femme salafia. Et tu vois la difficulté, surtout à notre époque, dans l'éducation des enfants. Que dire les enfants, ils ont à la maison leur mère, qu'ils aiment d'une manière instinctive, et qui est leur modèle également. Ils la voient boire l'alcool, manger le porc, croire que Isa, alayhi salam, et fils d'Allah, qu'Allah soit purifié de cela, gloire et pureté à Allah de cela, et d'autres égarements, à la maison. Et si tu épouses une femme parmi les gens du livre, tu ne peux pas lui interdire de pratiquer sa religion, même falsifiée. Alors imagine, tu as tout ça à la maison. Comment vont grandir les enfants? C'est pour ça qu'il y a des savants qui ont détesté ça. Et ils ont dit que c'était un bien à une époque. C'était un grand bien et c'est autorisé jusqu'à la fin des temps. Mais c'était un grand bien à l'époque où l'islam et les musulmans étaient forts et très attachés à leur religion. Quand il venait quelqu'un parmi les gens du livre, parmi eux, rapidement, il entre dans l'islam. Aujourd'hui, tu ramènes quelqu'un parmi les gens du livre, peut-être il va te dire dans certaines sociétés, même si on sait que les sociétés, avec tous les égarements qu'il puisse y avoir dedans, toutes les innovations, toutes les dérives par rapport à l'islam, tant qu'ils sont musulmans, on sait qu'ils sont meilleurs et même pas comparables aux non-croyants, aux mécréants. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Le pire des pays de l'islam est meilleur que le meilleur état de mes créances. Et il n'y a même pas de comparaison à faire. Quand on compare, c'est l'amour de dunya qui nous pousse à cela pour légitimer notre résidence dans des pays de kofr, tout simplement. Faut pas se leurrer ni se mentir à soi-même. Comment comparer un pays dans lequel tu pries en groupe, t'entends l'adhan, à un pays dans lequel tu n'entends même pas l'adhan? Donc c'est pour ces raisons-là que les savants ont détesté. Donc je disais que quand les gens du livre ils venaient dans les sociétés de l'islam, quand les musulmans étaient très attachés à leur religion, et ça je l'ai entendu cet argumentaire, je l'ai entendu du Cheikh Al-Albani rahimahullah dans des audios à lui dans Silsilat al-Huda wa al-Nur. Par rapport à ce point qui est le mariage avec la femme parmi les gens du livre. Il a été interrogé par quelqu'un et il lui a dit que c'était autorisé. Après, il l'a conseillé de cette manière. Il lui a montré le mal qu'il puisse y avoir. La troisième partie, c'est ce qui a été autorisé pour Nabi alayhi sallam seul. Et ce n'est autorisé pour personne dans sa communauté. Dans cette partie, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé en ayant 9 épouses sur sa tutelle. Et les savants sont unanimement d'accord que les neuf épouses étaient autorisées pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont divergé. Est-ce qu'il lui était autorisé d'épouser plus que les 9 ou pas? Et ce qui est juste, dit l'imam Ibn Kathir, c'est qu'il avait le droit d'épouser plus de femmes s'il le souhaitait. Comme ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que le messager, selon Anas, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, alayhi salam, il passait en une seule nuit chez toutes ses épouses. Ils étaient 11. Qatada, qui rapporte le hadith de Anas, radiyallahu anhu, il a dit à Anas, est-ce que le Nabi alayhi sallam avait la capacité, yani, en une seule nuit d'avoir des rapports avec toutes ses épouses? Il lui a dit que les compagnons parlaient, Qatada c'est un tabi'i. Il lui a dit que les compagnons entre eux, ils se disaient que le Nabi alayhi sallam avait la force de 30 hommes parmi eux. Et dans une autre version, qui est authentique, il disait qu'il avait la force de 40 hommes parmi eux. Le Nabi alayhi sallam, sahaba voyait qu'il avait la force de 40 hommes. Que ce soit dans le domaine des relations intimes ou autres. Alayhi sallatu wassalam. Ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, selon Anas toujours, que le Nabi alayhi sallam avait 9 épouses. Il est décédé en ayant 9 épouses. Il a épousé en tout 15 femmes. Il a consommé le mariage avec 13 et il a eu 11. En même temps, il est décédé en ayant 9. Il est né pendant une période de la vie du prophète عليه السلام, il a eu 11 épouses en même temps. Il est décédé en ayant 9. Comme on a vu quand on a parlé des épouses du prophète عليه السلام, dans la vue de la plupart des savants, il a épousé, il a consommé le mariage avec 11 épouses. Et 2 d'entre elles sont décédées pendant son vivant, qui sont Khadija radiallahu anha, elle est décédée à Mecca. Et la deuxième qui est décédée à Al-Madina, c'est Zainab bint Khuzaima, Al-Hilaliya radiallahu anha. Elle est décédée peu de temps après son mariage avec le prophète عليه الصلاة والسلام. Et les 9 autre épouse parmi les onze qu'il a épousé et qu'il a consommé sont restées après lui. Elles sont toutes décédées après lui. Je dis que celle qui est décédée pendant son vivant, elle est parmi les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Zainab, c'est Maymouna bint al-Harith al-Hilaliya, radiyallahu anha. Maymouna bint al-Harith al-Hilaliya, qu'Allah l'agré. Maymouna, c'est la dernière de ses épouses. C'est Zainab bint Khuzaima, naam. Zainab bint Khuzaima. Ce que j'ai dit en premier, c'est ce qui est juste. Zainab bint Khuzaima. Zainab bint Khuzaima, al-Hilaliya. Elle est la sœur de Maymouna bint al-Harith. La dernière femme que le prophète a épousée. Elle est sa sœur de la même mère. Elles ont la même mère ensemble. Leur mère, elle s'appelle Hind bint Auf. Ils disent que cette femme, il n'y a pas une femme sur terre qui a eu autant de beaux-fils, yani nobles beaux-fils comme elle. Parmi ces beaux-fils, yani ceux qui ont épousé ses filles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abi Talib, et la liste est longue. Elle a eu des filles qu'elle a marié au plus grand des compagnons, radiyallahu anhum, et a commencé par le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle lui a marié sa première fille, qui est décédée peu de temps après son mariage avec le Nabi, alayhi salam, qui est Zainab bint Khuzaima, al-Hilaliya, radiyallahu anha. Et la dernière des épouses que le Nabi, alayhi salam, a épousée, c'est Maymouna bint al-Harith, al-Hilaliya également, qui est la sœur. Vous savez que c'est pas autorisé d'épouser deux sœurs en même temps. Mais si jamais t'épouses une femme et qu'elle décède, tu peux épouser sa sœur. Mais de les épouser en même temps, ceci n'est pas autorisé. Et ça a été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a épousé 18 femmes. Et qu'il a pris 3 servantes. Mais le plus connu, c'est qu'il a épousé, et qu'il a consommé 11. Yani avec 11 femmes. Et parmi les servantes, il a eu 2. Ça, c'est l'avis le plus connu. Une autre mas'ala que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité, si une femme s'offre au prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que le fait d'offrir sa personne au prophète, alayhi salatu wassalam, ça représente un acte de mariage, et rien que d'accepter, elle devient son épouse? Ils ont dit que ça, c'était parmi les particularités du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est qu'une femme qui s'offre à lui, qui offre sa personne à lui pour qu'il l'épouse, en acceptant, elle devient son épouse. Et ils ont dit que ça, c'était parmi ses particularités. Alayhi salatu wassalam. Comme Allah Azza wa Jalla dit, إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين. Je commence par le début du verset. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses que t'as dotées d'un mahr, d'une dot, tes esclaves ou captives que tu possèdes de droit et qu'Allah t'a accordé, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, parmi celles qui avaient émigré en ta compagnie. Shahid, c'est ça. Ce qui nous intéresse du verset par rapport à ce point, c'est ce qui va venir maintenant. Et toute femme croyante qui s'offre en mariage au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à condition que le prophète daigne la prendre pour épouse. Yani, à condition que le prophète accepte de la prendre comme épouse. C'est pour ça qu'ils ont dit que ça, c'était une particularité à lui, alayhi salatu wa salam. Il pouvait accepter l'offre d'une femme qui lui propose de l'épouser, qui s'offre à lui pour l'épouser, sans lui donner de dot. Et sans, sans qu'il y ait de tuteur ou quoi que ce soit. Elle s'offre à lui, il accepte, alayhi salatu wa salam, ça devient son épouse. Et aussi, une autre mas'ala, est-ce que le divorce du prophète, alayhi salatu wa salam, était limité à trois, comme nous? Parce que vous savez que nous, si on divorce une femme trois fois, on peut plus la reprendre. Le divorce est limité à trois. Après trois, il faut qu'elle épouse un autre homme. Un vrai mariage. Pas une combine. Une combine ne te la rend pas autorisée auprès d'Allah. Et si tu l'épouses après une combine avec un autre homme, alors sache qu'à chaque instant, c'est zina entre toi et elle. C'est pas un mariage. Faut qu'elle épouse vraiment un autre homme. Et que ce soit un vrai mariage. Et après cet homme, si jamais il la divorce, tu peux la reprendre à ce moment-là en ayant consommé le mariage. Si jamais il l'épouse, il ne consomme pas le mariage, c'est-à-dire ils n'ont pas de rapport, alors tu ne peux pas l'épouser non plus. Et ça, c'est pour que l'homme réfléchisse bien avant de divorcer sa femme, et surtout quand il va arriver au troisième divorce. Car la conséquence par la suite, c'est ça. C'est qu'elle doit épouser un autre homme, un vrai mariage, et il consomme avec elle. Et après, si jamais il la divorce, tu peux la reprendre. Est-ce que c'était valable pour Nabi Issa Salam, que son divorce était limité à trois? Au-delà de trois, la séparation est définitive entre lui et la femme jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme? Ils ont dit deux avis. Et ce qui est juste, c'est que c'était valable pour lui. Car les dalils sont générales, sont généraux, ça englobe le Nabi A.S. également. Comme on a vu la règle de base dans ce domaine, ce qui est valable pour le Nabi A.S. est valable pour toute sa umma, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait un dalil qui nous dit que non, ça c'est spécifique au prophète A.S. Et d'autres savants ont dit que non, même le divorce pour lui n'était pas limité à trois, comme le nombre d'épouses n'était pas limité à quatre pour lui. Et ça c'est faible. Car il n'y a pas de lien entre les deux, comme il dit l'imam Ibn Kathir. Le fait qu'il ait le droit d'épouser plus de quatre femmes, ça veut pas, il n'y a pas de lien entre ça et le fait que son divorce peut être également plus que trois. Une autre mas'ala, il pouvait épouser une femme sans avoir de tuteur, ni de témoin. Et c'est ça qui est juste. Car il a épousé Zaynab bint Jahsh, radiallahu anha, et elle se vantait avec cela, sans, sans que son tuteur la marie au prophète, alayhi sallam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mariée au prophète, alayhi sallam. Donc, sans tuteur, et sans témoin. Et ça, c'était spécifique au prophète, alayhi sallam. Pour nous, un mariage dans lequel il n'y a pas de témoin, il n'y a pas les deux témoins, et il n'y a pas le tuteur ou son délégué, c'est un mariage caduc, invalide, qui doit être renouvelé. Il faut qu'il y ait deux témoins et le tuteur ou son délégué. Le tuteur, il peut pas venir, il peut charger une autre personne de contracter le mariage à sa place. Mais il faut qu'il y ait son accord. Une autre mas'ala, est-ce que c'était autorisé pour le prophète A.S. de se marier pendant l'état de sacralisation, on sait que pour nous, c'est pas valable. Un homme qui contracte un mariage pendant l'état de sacralisation, c'est un mariage caduc. Pour le Nabi Aïssa Salam, il y en a qui ont dit que c'était parmi ses spécificités qu'il pouvait épouser une femme pendant son état de sacralisation. Ils se sont basés sur ce qui est rapporté de Abdullah ibn Abbas par rapport à sa tante Maymouna bintul Harith radiyallahu anha, que Nabi Aïssa Salam l'a épousé pendant l'état de sacralisation. Mais ça, ce point, on l'a déjà abordé, et on avait vu que elle-même, elle a dit que Nabi Aïssa Salam l'a épousé après s'être désacralisé. Et comme c'est elle qui est concernée par cette histoire, alors sa parole prévaut sur la parole de son, du fils de sa sœur, Abdullah ibn Abbas, qui était jeune, et lui rapporte ce qu'elle lui a dit. Mais elle-même s'est rapportée d'elle que Nabi Aïssa Salam l'a épousée après la désacralisation, et non pas avant. Donc son avis prévaut sur l'avis de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, car c'est elle, la parole de celui qui est visé par l'histoire, prévaut sur la parole de celui qui ne l'est pas, dans la science du hadith. Donc, il n'y a pas de particularité pour Nabi Aïssa Salam. Lui également, il lui est interdit d'épouser une femme pendant l'état de sacralisation. Et ça fait partie des interdits de l'état de sacralisation pour lui, comme pour toute la Umma. Une autre mas'ala, quand le prophète Aïssa Salam souhaitait épouser une femme, est-ce qu'elle était dans l'obligation d'accepter? Chez les Shafi'iyya, comme il dit Ibn Kathir, elle était dans l'obligation d'accepter. Et que personne d'autre ne pouvait se présenter à elle quand Nabi Aïssa Salam il se présente. Une autre mas'ala. Est-ce qu'il était dans le devoir, alayhi salatu wassalam, de partager les nuits entre ses épouses, comme c'est le cas pour nous? Quelqu'un qui est polygame, il doit répartir les nuits d'une manière équitable entre ses épouses. Est-ce que c'était valable pour Nabi alayhi salam? L'imam Nukathir, il dit que ce qui est apparent des textes, c'est que c'était une obligation pour lui. Car quand il est tombé malade, alayhi salatu wassalam, dans la maladie qui a précédé sa mort, quand il était très très fatigué, il a préféré rester chez Aïcha radiallahu anha et se faire soigner chez elle. Il a demandé la permission à ses épouses et elles lui ont permis. Si c'était pas une obligation de partager, il n'aurait pas eu besoin de demander la permission. Alayhi salatu wassalam. Certains savants ont dit que c'était pas une obligation pour lui de partager, comme c'est le cas pour nous, et que ça fait partie de ses particularités, mais ça, c'est pas juste. Pour le dalil qui a précédé. Une autre mas'ala. Nabi Aïssa salam a affranchi notre mère Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Il a fait de son affranchissement sa dot. Comme ceci a été rapporté dans les deux authentiques selon Anas radiallahu anhu. C'est-à-dire, il a fait de son affranchissement sa dot. Certains savants ont dit que le sens de ce hadith, c'est que le Nabi Aïssa Salam l'a affranchi, car c'était une esclave. Elle faisait partie des captives de la guerre de Khaybar. Certains savants ont dit que l'affranchissement du prophète Aïssa Salam de Safiya radiallahu anha était une condition Yani, il lui a mis comme condition de l'épouser. Il l'a franchi et elle l'épouse. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'elle était dans l'obligation d'accepter et de respecter cette condition sur laquelle elle était d'accord. Et d'autres savants ont dit que non. C'est pas ainsi que ça s'est déroulé. Le Nabi alayhi sallam l'a affranchi et il a fait de son affranchissement sa dot. Et c'est ça qui est juste. Comme c'est rapporté dans le hadith. Certains savants ont dit que ça, c'est pas spécifique au prophète alayhi sallam. Et que même pour nous, un homme qui affranchit une femme, il peut faire de son affranchissement, l'affranchissement c'est une valeur. Il peut exiger d'elle une somme pour l'affranchir. Donc l'affranchissement, ça a une valeur. Donc ça peut être une dot. Pour ça ils ont dit, ça c'est pas spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'autres ont dit qu'il lui a donné une dot, il lui a donné une esclave comme dot, une servante comme dot, mais ceci est faible également. Et ce qui est juste, c'est ce qui a précédé, c'est que Nabi Issa Salam a fait de son affranchissement une dot pour elle. Et elle a accepté, radiyallahu anha. Et c'était parmi les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. La quatrième catégorie, c'est les choses, yani les mérites spécifiques au prophète Aïssa Salam dans le domaine du mariage. On a vu ce qui est obligatoire pour lui seul, ce qui est interdit pour lui seul, ce qui est autorisé pour lui seul. Maintenant, il va citer la quatrième catégorie, ça concerne les mérites spécifiques au prophète Aïssa Salam dans le domaine du mariage. Parmi ces points, c'est que ces épouses qui sont les mères des croyants, dernier, étaient les mères des croyants. C'est que ces épouses étaient les mères des croyants. Et ça, c'est spécifique à lui. C'est spécifique à lui, alayhi salatu wassalam. Ces épouses sont les mères des croyants. Comme Allah Azza wa Jalla dit, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète a plus de droits sur les croyants que eux n'ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Et ses épouses sont leurs mères. La signification de cette maternité, du fait qu'ils soient leurs mères, c'est-à-dire les respecter et leur obéir et l'interdiction de leur désobéir. Et ça ne veut pas dire l'interdiction d'épouser leur fille. C'est pour ça Ali radiallahu anhu a épousé la fille de Khadija radiallahu anha, Fatima. Et Uthman a épousé la fille de Khadija radiallahu anha, Zainab, et ensuite Umm Kulthum, et ainsi de suite. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont comme leur mère dans le fait de pouvoir s'isoler avec elles. C'était interdit. Et ça ne veut pas dire qu'ils pouvaient être en mixité avec elle. Et également, ces points ne se transmettent pas. Quand une femme est ta mère, ses filles, dans notre mariage, sont tes sœurs. Et ça, c'était pas valable pour les épouses du prophète alayhi sallam. Donc la mère, les épouses du prophète alayhi sallam sont nos mères, c'est-à-dire tout simplement qu'il est interdit pour nous de les épouser comme il est interdit d'épouser notre mère, et qu'on doit les respecter comme on respecte nos mères, et encore plus, et on doit leur obéir, l'interdiction de leur désobéir. Est-ce que c'était les mères des croyantes ou uniquement les croyants ? Est-ce que c'était les mères des croyants hommes ou uniquement des croyants hommes et femmes, ou uniquement les croyants hommes. Il y a une divergence sur ce point, mais l'avis juste, et c'est l'avis de notre mère Aïcha radiallahu anha, c'est que c'était les mères des hommes croyants seulement, et non pas les femmes. Comme ceci est rapporté explicitement de Aïcha radiallahu anha dans un hadith authentique. Une femme lui a dit, notre mère, elle lui a dit, je suis pas ta mère. Je suis la mère de vos hommes seulement. Et ça, car les points par lesquels sont concernés, on est concerné dans ce lien avec les épouses du prophète qui sont nos mères, ces liens-là ne sont valables que pour les hommes. S'il n'y avait pas ce caractère, yani, on peut épouser une femme. Mais comme elles sont nos mères, on ne peut pas les épouser. On ne peut pas les épouser. Donc elles sont nos mères dans ce sens-là. L'interdiction de les épouser. Après la mort du prophète Aïssa al-Salam. Une autre mas'ala qui est toujours en lien avec celle-là. Est-ce que les filles de nos mères et du prophète Aïssa al-Salam, est-ce qu'elles sont nos sœurs, les sœurs des croyants? Comme on dit que ces épouses sont nos mères, est-ce qu'on peut dire de leurs filles qu'elles sont nos sœurs? L'imam Shafi'i a dit que c'est autorisé. Et d'autres savants Shafi'i ont dit que c'est autorisé. D'autres ont dit que c'est pas autorisé. Et ils ont dit que ce qui est rapporté de l'imam Shafi'i est une erreur de son élève qui a rapporté ça. Donc il n'y a pas quelque chose dans les textes qui dit que les filles du prophète alayhi sallam sont nos sœurs. C'est pour ça Ali radiallahu anhu a épousé une fille du prophète alayhi sallam. C'est pas sa sœur. Ça veut dire que c'est pas sa sœur. Et c'est pas comme sa sœur. Une autre masala toujours en lien. Est-ce qu'on dit que le Nabi alayhi sallam est notre père, le père des croyants? L'imam al-Barawi a rapporté que na'am. Le prophète alayhi sallam est le père des croyants. Et ça, c'est ce qui est rapporté de Abdullah ibn Abbas également, quand il a cité ce verset, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Dans une qira'a, wa huwa abul lahum wa azwajuhu ummahatuhum. Donc dans ce verset, dans le sens approximatif, le prophète a plus de droits sur les croyants que ceux-ci n'ont sur eux-mêmes. Et dans une qira'a de le Coran, il y a un rajout. Wa huwa abul lahum, et il est un père pour eux, et ses épouses sont leurs mères. Mais c'est pas une qira'a, c'est une qira'a shadha. C'est une qira'a shadha. Yani, qui n'est pas authentique avec les critères de l'authenticité de la récitation du Qur'an. Et certains, donc ça, c'est ceux qui ont dit que c'était autorisé. Ils ont dit que c'était autorisé. Ça, c'est l'avis juste. Malgré que le qira'a al-shadda, mais ça nous permet d'avoir la compréhension. Ça reste une explication au minimum. Même si elle n'est pas authentique, avec les conditions de la récitation, mais elle est rapportée authentiquement des compagnons qui ont lu comme ça. D'accord? C'est pour ça que on peut prendre que le Nabi A.S. est le père des croyants de cette récitation. Ceux qui ont dit que non, c'est pas autorisé de dire qu'il est le père des croyants, ils ont dit, Allah Azza wa Jalla dit, wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad n'est pas le père d'aucun homme parmi vous. Ils ont dit, voilà, Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans un verset clair que le prophète n'est pas un père pour les hommes, pour les croyants. Mais les savants ont dit, la compréhension de ce verset, que le prophète sallam n'est pas un père pour eux, dans le sens il n'a pas de lien de parenté. Il n'y a pas un qui est son descendant, son enfant, ou son fils. Car les liens de parenté sont de deux catégories. Des liens de parenté de sang, et ça, c'est ce qui est nié dans ce verset. Il n'est pas le père d'aucun homme parmi vous. Mais il y a une autre forme de parenté. C'est la parenté dans la science. Dans la science. C'est pour ça qu'il est rapporté authentiquement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ana lakum bimithli al-walid »« Je suis pour vous comme le Père. » Il nous a enseigné comment se purifier après avoir fait son besoin. Donc on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Père des croyants. Mais c'est pas leur père dans le sens ils sont ses fils, ils descendent de lui. Ça, ce n'est valable pour aucun homme. Car comme vous savez, tous les fils du prophète sont décédés pendant son vivant. Une autre mas'ala. Les épouses, il y en a qui fait partie des mérites spécifiques au prophète, c'est que ses épouses sont les meilleures femmes de cette communauté, comme on a vu précédemment. Car leur récompense est multipliée, contrairement aux autres femmes. Et que les meilleures de ses épouses sont Khadija et Aïcha, qu'Allah les agrée toutes. Et ils ont divergé laquelle est la meilleure des deux. Et ce qui est juste, pour sortir de la divergence, c'est de dire que Aïcha radiallahu anha a eu énormément de mérites dans lesquels Aïcha radiallahu anha ne partage pas avec elle au début de l'islam. Et que Aïcha, elle a eu énormément de mérites. Et que Khadija ne partage pas avec elle vers la fin de la vie du prophète et après sa mort, car elle a vécu longtemps après lui. Le prophète est décédé, elle avait 18 ans et elle a vécu plus de 60 ans radiyallahu anha. Donc le mérite de Aïcha radiyallahu anha vers la fin de la vie du prophète, depuis qu'il l'a épousée jusqu'à sa mort, et même après sa mort, elle a des mérites dans la transmission de l'islam et de la sunna, dans lesquels Khadija radiallahu anha, dans lesquels elle dépasse Khadija radiallahu anha. Et Khadija radiallahu anha, au début de l'islam, elle a des mérites dans lesquels Aïcha radiallahu anha n'arrive pas à son degré. Elle a soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a réconforté, et elle l'a aidé, elle a cru en lui, la première, ou au moins la première parmi les femmes. Donc dans ces mérites-là, les années sont exclusives pour Khadija radiallahu anha. Et Aïcha, radiallahu anha, a des mérites qui sont exclusives à elle vers la fin de la vie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de manière générale, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleures femmes de cette communauté. Et les deux meilleures parmi elles, c'est Khadija et Aïcha. Et laquelle est la meilleure, comme je vous ai détaillé maintenant. Ibn Hazm, rahimahullah, a dit que les épouses du prophète sont meilleures que tous les compagnons. Même Abu Bakr Siddiq. Et ça, c'est un avis qu'aucun savant avant lui n'a eu. Et il est très faible. Donc vous constatez que l'imam Ibn Kathir, il cite les avis de certains savants qui ont une certaine renommée dans la science pour mettre en garde, comme il a fait ici. Sinon, il n'aurait pas cité cet avis. Car il n'a pas de valeur ni de poids. Il n'a pas de fondement. Elles sont les meilleures des femmes. Abu Bakr, à lui seul, radiallahu anhu, sa foi dans un côté de la balance est plus lourde que la foi de la Ummah tout entier, en entier, jusqu'à la fin des temps, y compris les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris Omar radiallahu anhu, y compris Uthman, y compris les hommes et les femmes. Parmi les points, c'est qu'il est interdit d'épouser ses épouses après sa mort, alayhi salatu wassalam. Et sur ça, il y a unanimité. Car ses épouses dans Dunya sont ses épouses dans l'Akhira. Et la femme, et ça c'est pas spécifique à lui, c'est à tout homme et femme dans cette communauté. La femme de manière générale, si elle se remarie pas après la mort de son mari, et si tous les deux vont au paradis, elle sera son épouse au paradis. La femme sera avec son dernier mari au paradis. La femme sera avec son dernier époux dans Dunya. Si elle a épousé, par exemple, 10, elle sera au paradis, elle sera l'épouse du dernier parmi eux, s'il est au paradis, s'il fait partie des gens du paradis. C'est pour ça, il est rapporté de Abu Darda, radiallahu anhu, que sa femme, Umu Darda, radiallahu anha, quand il était mourant, il agonisait, elle lui a dit, tu m'as demandé en mariage à ma famille. Et ils ont accepté. Et aujourd'hui, c'est moi qui te demande en mariage dans l'au-delà. Subhanallah. Abu Darda et Umu Darda, c'est des modèles. Et ils ont des paroles. Abu Darda, comme vous savez, on l'appelle le sage de cette communauté. Et Umu Darda, c'est une femme extrêmement sage également, comme son épouse. Quand elle était interrogée sur l'adoration de son mari, elle disait que son mari, la plupart de son adoration, était dans la méditation. Et Abu Darda, il a dit à sa femme, je vous cite juste une parole. Et elle est suffisante. C'est une règle, si tu l'appliques dans ton couple, tu seras heureux. Et si ta femme l'applique aussi, elle sera heureuse avec toi. Bien évidemment, il faut l'application des deux côtés. S'il y a qu'un qui applique, il va se fatiguer. Abu Darda a dit à sa femme, il lui a dit, « Ya Umma Darda, إذا أنا غضبت فرديني وإذا أنت غضبت رضيتك وإلا لم نصطحب. » Ou comme قال, il a dit, quand tu me vois en colère, fais tout pour me satisfaire. C'est pas moi je me mets en colère, toi tu te mets en colère. Le shaitan rentre et on arrive à des choses graves. Si tu me vois en colère, alors toi, calme-toi et dis des bonnes paroles et garde le sang-froid et essaie de me calmer et de me satisfaire. Et ça, c'est pas que pour l'homme. Il lui a dit l'inverse aussi, subhanallah. C'est pas que l'homme seul qui a le droit de se mettre en colère. La femme aussi peut lui arriver de se mettre en colère. Il lui a dit, si je te vois en colère, je ferai tout également pour te satisfaire et te calmer. Sinon, on restera pas ensemble. Sinon, on restera pas ensemble. Moi, je me mets en colère, toi, tu te mets en colère, et voilà, après le divorce et la séparation. Donc, pour rester ensemble, il faut savoir que ta femme peut se mettre en colère, peut lui arriver de dire des choses qu'elle veut pas. Et la femme doit savoir aussi que son mari peut se mettre en colère. Quand l'un se met en colère, l'autre doit calmer les esprits et pas jeter l'essence sur le feu et ouvrir la porte au shaytan de faire son travail. Donc Abu Darda, radiyallahu anhu, il a dit à sa femme, quand elle lui a fait cette demande, elle lui a dit, c'est toi qui m'as demandé en mariage auprès de ma famille, ils t'ont marié. Et aujourd'hui, c'est moi qui te demande en mariage, comme mari, inshallah, au paradis. Il lui a dit, si tu le souhaites, alors ne te remarie pas après moi. Et après sa mort, Muawiya, radiyallahu anhu, qui était le gouverneur, il a demandé en mariage, elle a refusé. Et c'est rapporté également de Hudhayfa radiyallahu anhu, une histoire similaire. Sa femme, il a dit à sa femme, si tu souhaites être ma femme au paradis, alors ne te remarie pas après moi. Car la femme au paradis sera pour son dernier mari dans Dunya. Car la femme au paradis sera pour son dernier mari dans Dunya. Ce hadith a été يعني rapporté par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha. Il a été rapporté dans Silsila Sahiha, la chaîne de hadith authentique. C'est pour ça, c'est interdit pour les épouses du prophète alayhi salam sallam d'épouser un autre homme après lui, ou qu'un homme les épouse après lui, parce que ses épouses, ce sont ses épouses dans le paradis. Et ils ont divergé au sujet de la femme qu'il divorce, que le Nabi alayhi salam sallam divorce dans le dunya. Est-ce qu'elle peut épouser, est-ce que quelqu'un peut l'épouser? Ils ont divergé à ce sujet. Et l'avis le plus proche de la vérité, comme il cite Ibn Kathir rahimahullah, c'est que la femme qu'il a épousée et il a consommé le mariage, il est interdit pour quelqu'un d'autre de l'épouser. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Il a dit de manière absolue. Donc, du moment qu'il a consommé le mariage, plus personne ne peut l'épouser. D'autres savants ont dit non. Les épouses du prophète, alayhi sallam, qu'on ne peut pas épouser après lui, ce sont les femmes qu'il est décédé en les ayant comme épouses. En les ayant comme épouses, parce que ce sont ses épouses au paradis. Donc, plus personne ne peut les épouser. Et ils ont dit, Dalil, sur cet avis, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné le choix à ses épouses, comme on a vu. Celles qui souhaitent rester avec lui ou être libérées. Donc, si elle va être libérée sans pouvoir se remarier, quel intérêt pour elle? Wallahu a'lam. Une autre mas'ala, celui qui diffame notre mère Aïcha radiallahu anha doit être tué. Et sur ça, il y a un consensus des savants qui a été rapporté par Suhaili et d'autres. Car à son sujet, au sujet de Aïcha radiallahu anha, elle a été innocentée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc quelqu'un qui la diffame et qui l'accuse de fornication après qu'Allah l'a innocentée, il dément le Coran. C'est pour ça, c'est une mécréance. Et c'est une forme d'apostasie de l'islam. Et sa sanction, c'est qu'il soit tué. Et les autres épouses des savants ont divergé sur deux avis. Est-ce qu'il doit être tué ou pas? Celui qui insulte le prophète, alayhi salatu wassalam, il doit être tué. Il dit l'imam Ibn Kathir. Qu'il soit homme ou femme. Et par rapport à ça, il y a énormément de hadith authentiques qui sont rapportés. Parmi ces hadith, une histoire qu'on a déjà vue. Cette femme qui a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dont le mari était non-voyant, un compagnon. Et il a fini par la tuer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, soyez témoins que le sang de cette femme est licite. Il est sans valeur. Et un homme a dit devant le compagnon Abu Barz al-Aslami radiyallahu anhu, il a dit d'un homme qui a insulté Abu Bakr al-Siddiq après sa mort, il a dit à ce noble compagnon Abu Barz al-Aslami, il lui a dit, pourquoi tu l'as pas tué alors qu'il a insulté Abu Bakr al-Siddiq? Il a dit, ça c'était spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. C'était spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est rapporté également de Abu Huraira radiallahu anhu que celui qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam seulement doit être tué. Et non pas quelqu'un qui insulte un compagnon. Malgré que c'est un grave péché chez les hommes de science. Mais ça n'arrive pas au degré de la mécréance. Ou du péché qui mérite la mort dans Dunya. Et de ce sujet, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a parlé d'une manière très très détaillée dans son livre, en trois volumes, As-Sarim al-Masloul, Al-Asab al-Rasoul. Et c'est parmi les meilleurs livres, si c'est pas le meilleur livre à ce sujet-là. Donc celui qui insulte Nabi Isa al-Salam, sans repentir, si jamais il se repent, c'est entre lui et Allah. Mais pour nous, dans les tribunaux qui jugent avec la loi d'Allah, le juge doit lui appliquer la peine de mort. Contrairement à quand Nabi Isa al-Salam était vivant, quand quelqu'un l'insultait, il pouvait lui demander le pardon. Et s'il lui pardonne, Nabi Isa al-Salam a déjà pardonné à des hommes qui l'insultaient. Et d'autres ne leur a pas pardonné. Donc pendant son vivant, alayhi salam, on pouvait aller le voir et lui demander le pardon. Mais après sa mort, comment on va lui demander le pardon? Et personne ne peut pardonner à la place du prophète, alayhi salam. Parce qu'il a pardonné à certains, il n'a pas pardonné à d'autres. Comme les six qu'il a ordonné de tuer quand il a conquis Mecca. Parce qu'il l'insultait. Il leur a pas pardonné, malgré que par la suite, il a pardonné à deux parmi eux, Ikrima et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Ces deux-là, il leur a pardonné dans le contexte qu'on a vu. Mais après sa mort, personne ne peut pardonner à sa place. C'est pour ça, si quelqu'un insulte Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le juge doit lui appliquer la peine de mort. Et s'il se repent, ça lui sera bénéfique auprès d'Allah. Comme ça, on ferme la porte aux pervers et déviants qui insultent Nabi sallallahu alayhi wa sallam et après ils disent, on s'est repenti, et recommence, et ainsi de suite. La dernière mas'ala qu'on va voir, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il insultait lui, quelqu'un, et il disait de lui une chose qu'il ne mérite pas. Yani, il dit de lui une chose que cet homme ne mérite pas. Quand ça arrivait au prophète alayhi salatu wassalam, alors cette parole de la part du prophète alayhi salatu wassalam sera une expiation pour cet homme. Et le dalil de cette mas'ala, c'est ce qui est rapporté dans les deux authentiques, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, ô Allah, que celui... Yani, je prends un engagement auprès de toi. Que tu tiendras et que tu respecteras. Allah a respecté. Yani, c'est un souhait de la part du prophète, alayhi salam, auprès d'Allah. Il a été exaucé. Il a dit, wallah, je suis un homme que chaque croyant à qui j'ai fait du mal, ou je l'ai insulté, ou je l'ai frappé, ou donné des coups de fouet, ou je l'ai maudit. Le sens, sans qu'il le mérite. C'est pas cité dans le hadith, mais c'est ça le sens. Alors, wallah, fais que cet acte de ma part soit pour lui, soit une invocation en sa faveur, et non pas contre lui. Et une purification pour lui de ses péchés. Et quelque chose avec laquelle tu le rapproches de toi le jour de la résurrection. Rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. C'est pour ça l'imam muslim, subhanallah, dans son authentique, ça démontre la profondeur de la science de ces imams, les imams du hadith, tels que l'imam muslim. Il a cité dans les mérites des compagnons, les mérites de Muawiyah, radiyallahu anhu. Et parmi les mérites de Muawiyah, il a cité une parole que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, la ashfa'a Allahu batna. Qu'Allah fasse qu'il ne se rassasie pas de manger. Ça a une histoire. Peut-être c'est bien de la citer pour bien comprendre. Le hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, selon Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas était un jeune enfant, il jouait avec les enfants. Quand il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est caché derrière une porte. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, il lui a donné un petit coup, comme ça au niveau de la nuque, ou c'est au niveau de la tête. Deux sens qui ont été cités par les savants. En tout cas, c'est une façon de s'amuser avec lui. C'est pas, il l'a frappé, pour le punir. Et ensuite, il lui a dit, va appeler Muawiyah pour moi. Il est parti, il l'a trouvé en train de manger. Il est revenu, il a dit au prophète, au messager d'Allah, il est en train de manger. Ensuite, le prophète lui a dit, vas-y, retourne-y, et appelle Muawiyah. Dis-lui de venir. Il est reparti, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il l'a trouvé en train de manger. Il a dit, oh, messager d'Allah, il est en train de manger. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, la ashfa' Allahu batna. Qu'Allah fasse qu'il ne se rassasie pas de manger. Et donc, l'imam muslim a rapporté ça dans les mérites de Muawiyah. Car il a estimé que c'est une parole, que Muawiyah radiallahu anhu ne méritait pas, parce qu'il n'a pas fauté, et que ça va se transformer pour lui en une invocation en sa faveur et une purification, et ça sera une chose qui le rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre la profondeur de la compréhension de l'imam muslim rahimahullah. Voilà pour aujourd'hui. Bidnillah, on finira le cours prochain. Wallahu ta'ala ala wa alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته